Jésus a dit que si nous ne demeurons pas en lui, nous ne pouvons rien faire. Bonjour, les ministères En Contact, en collaboration avec Radio Espoir, vous présentent l'enseignement biblique de Charles Stanley. Lorsque les jeunes atteignent l'âge de l'adolescence, ils commencent à penser à ce qu'ils feront de leur vie et à choisir une carrière. Ces projets sont souvent excellents et admirables, mais Charles Stanley va nous faire remarquer qu'aucun but, aucun plan, aucun projet n'ont de valeur éternelle sans une relation personnelle avec Jésus-Christ. Jésus a illustré notre dépendance envers lui en utilisant la métaphore du cep de vigne. À l'instar des sarments, nous devons demeurer attachés à Dieu pour porter du fruit. Charles Stanley traite de ce sujet aujourd'hui. Restez à l'écoute alors qu'il reprend l'image simple d'une vigne et de ses branches, une image utilisée par Jésus-Christ pour illustrer une vérité profonde et éternelle dans un langage à la portée de tous. Autrefois, je me demandais pourquoi Dieu avait permis que des personnes qui cherchaient de tout cœur à marcher dans ses voies aient des difficultés et des épreuves. Ces personnes obéissent à Dieu du mieux qu'elles le pouvaient. De toute évidence, elles portaient du fruit et elles servaient le Seigneur, du moins au mieux de leur connaissance. Elles étaient ce que les gens auraient considéré des chrétiens exemplaires. Pourquoi Dieu a-t-il permis que leur quiétude soit bouleversée par des turbulences, de la souffrance, du chagrin, des épreuves et l'adversité alors qu'elles portaient du fruit? Cependant, lorsque j'ai compris le chapitre 15 de l'Évangile selon Jean, j'ai commencé à comprendre ce qui se passait dans ma vie et pourquoi Dieu permettait que je subisse des désagréments, des épreuves qui me faisaient souffrir, ou que j'ai des ennuis dont je me serais bien passé. Cependant, le chapitre 15 de l'Évangile selon Jean est riche en vérités spirituelles, profondes et merveilleuses. L'une de ces vérités est illustrée par l'image de l'émondage, opération nécessaire pour que les sarments portent plus de fruits. Pourquoi et comment est-ce que Dieu nous émonde? Et quel est l'objectif de cet émondage? En traitant de ce sujet, je vais répondre à des questions que l'on se pose au sujet de ces versets du chapitre 15 de l'Évangile selon Jean. Notez que le premier verset dit « Je suis le vrai cep ». Cela implique qu'il y en a des faux. Faisons la lecture. « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout serment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on le ramasse, on le jette au feu, et il brûle. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous serez mes disciples. Nous voyons clairement que Dieu désire que nous portions du fruit. Jésus a dit qu'il est le cep ou le tronc de la vigne. Le croyant se compare à un sarment ou à une branche de la vigne. Il demeure attaché à la vigne, c'est-à-dire qu'il est en communion intime et personnelle avec le cep et il fait partie de la vigne. La sève qui circule dans le cep coule aussi dans les sarments et les sarments portent le fruit que produit la vigne. C'est la sève qui produit les succulentes grappes de raisin que portent les branches. Jésus enseigne donc qu'en autant que nous, les croyants, demeurons en lui, nous reflèterons la vie du Seigneur Jésus-Christ grâce à l'Esprit de Dieu qui habite en nous et nous produirons le fruit de l'Esprit. Jésus décrit la vie chrétienne comme il voudrait que nous l'expérimentions, et il explique pourquoi nous dépendons entièrement de lui pour marcher chrétiennement. Pour ce faire, il mentionne trois types de branches. Je veux traiter de ce sujet parce que de nombreuses personnes posent des questions au sujet des versets 2, 5 et 6. Nous parlerons donc des trois types de branches mentionnées dans ces versets et ensuite nous expliquerons ce qu'est l'émondage dont Jésus parle. D'abord, notez le premier verset. Je suis le vrai cep. De nombreuses philosophies et de nombreuses religions nous sont proposées dans le monde. Elles affirment toutes être le chemin qui mène à la vie. Si vous voulez être comblé spirituellement, si vous voulez connaître la paix intérieure, si vous voulez être un gagnant ou accomplir quelque chose de remarquable, il faut adhérer à cette philosophie. Cependant, il n'y a qu'un seul vrai cep, et le vigneron est Dieu le Père céleste. C'est lui qui veille sur le vignoble. Jésus a dit qu'il est le vrai cep, que le croyant est la branche ou le sarment, et que le vigneron est le Père céleste. De plus, il décrit trois types de branches. Le premier type est mentionné au verset 2. « Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. » Le premier type de sarment est celui qui est en Christ Jésus, mais qui ne porte pas de fruits. C'est une personne qui est en Christ Jésus, qui est donc habitée par le Saint-Esprit. Qu'importe la qualité de sa marche chrétienne, si cette personne est dans le Seigneur Jésus, l'Esprit de Dieu habite en elle. Le premier type de branche est le sarment attaché au cep, mais qui ne porte pas de fruits. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Le mot grec traduit par retrancher est héro. Ce mot a deux sens possibles. Le mot héro peut être traduit par emporter, transporter ou élever. Le mot est beaucoup plus souvent traduit par élever que par emporter. Nous sommes donc devant deux interprétations possibles. Cela peut signifier que le vigneron voit le sarment qui touche le sol et qui ne porte donc pas de fruits à cause de cela. Il élève la branche et la supporte afin qu'elle puisse croître et porter du fruit. Autrement dit, Dieu encourage le croyant afin qu'il porte du fruit. La deuxième interprétation consiste à dire que puisque le sarment ne porte pas de fruit, bien qu'il soit attaché au cep, le vigneron coupe la branche. Dieu rappelle le croyant à lui. Cette personne a donc commis le péché qui conduit à la mort. Personnellement, je ne crois pas que Dieu va faire périr tous ceux qui ne portent pas le fruit qu'ils devraient porter. Puisque la vigne est une illustration, une métaphore, nous ne pouvons pas pousser l'image trop loin, au point d'être dogmatiques sur chaque détail. Nous ne pouvons pas affirmer catégoriquement. Cette comparaison signifie absolument ceci et nous ne pouvons pas lui donner un autre sens. Le mot « héros » a deux significations possibles. Cependant, je pense que Jésus décrit le genre de croyant en Christ Jésus qui ne porte pas de fruits bien qu'il soit sauvé. Par contre, je ne nie pas qu'en plus de ne pas porter de fruits, un chrétien peut vivre scandaleusement au point que Dieu décide de le retirer de la scène en le rappelant à lui. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 11, verset 30, l'apôtre Paul adresse des reproches aux croyants qui ont fait du repas du Seigneur une simple occasion de fêter. Des croyants dont la conduite était scandaleuse ont été malades et certains sont même morts. Dieu les a retirés de ce monde à cause de leurs mauvaises actions. Il arrive que Dieu soit aussi sévère que cela, mais en général, le but de Dieu est d'encourager la personne qui ne porte pas de fruits et de l'instruire afin qu'elle devienne le type de croyant qu'il désire. Malheureusement, il y a des croyants qui sont en Christ Jésus, mais qui ne portent pas de fruits. Par exemple, après avoir abandonné sa vie de péché, une personne peut y retourner et cesser de marcher selon son potentiel spirituel en Christ Jésus. Elle ne vit pas à la hauteur de ce que Dieu a pourvu pour elle, et ce, souvent par ignorance. C'est pourquoi je n'oserai jamais me servir de ce verset pour affirmer que si elle ne porte pas de fruits, Dieu la fera périr. Pensez au grand nombre de personnes qui vont à l'église tous les dimanches et qui portent peu de fruits. Leur concept de la vie chrétienne, c'est d'aller à l'église, de s'asseoir sur un banc ou une chaise, de chanter un cantique, de prier un peu, de donner un peu d'argent pour l'offrande, de retourner à la maison et de recommencer le cycle le dimanche suivant. C'est loin d'être une marche fructueuse. Je ne dis pas qu'une telle personne n'est pas sauvée, car elle est attachée au CEP et elle a une relation avec le Seigneur Jésus. Pensez-vous que votre vie est spirituellement fructueuse? Par fructueuse, j'entends le caractère du Seigneur Jésus qui se manifeste par vous. Je vous rappelle qu'aucun d'entre nous n'a le droit d'examiner les fruits de son prochain. Dieu n'a pas fait de nous des inspecteurs agricoles afin que nous nous examinions mutuellement. Le seul qui a le droit d'inspecter mes fruits, c'est Dieu lui-même. C'est son esprit qui les produit. Considérez ceci. J'ai été sauvé à l'âge de 12 ans. Qu'est-ce que je savais au sujet du Saint-Esprit? Presque rien. Qu'est-ce que je savais au sujet du fruit de l'Esprit et de la Bible? Absolument rien. Je ne pouvais pas porter de fruits parce que je ne connaissais pas la Bible. Est-ce que Dieu aurait dit, « Il ne connaît rien, faisons-le périr » Certainement pas. D'ailleurs, je suis toujours en train d'apprendre. En fait, je suis excité de pouvoir vous dire que je suis béni et encouragé par quelque chose de nouveau que j'apprends chaque semaine. J'ai bon espoir que le fruit se manifeste de plus en plus dans ma vie et dans mon cœur. Nous portons tous plus ou moins des fruits. Ce qui est merveilleux, c'est que nous n'atteignons jamais notre sommet de production. Nous n'atteindrons jamais la charge maximale de fruits que nous pouvons porter tant que le Seigneur Jésus ne nous appellera pas à lui. D'ici là, il va travailler en nous afin que nous portions toujours plus de fruits. Nous n'avons pas le droit de juger un frère ou une sœur, car nous ne connaissons pas leur degré de croissance, leur passé, ni leur connaissance de la Bible. Parfois, nous rencontrons des gens qui fréquentent l'Église depuis des années et qui ont entendu des centaines de prédications. Nous remarquons qu'ils portent peu de fruits et nous pensons qu'ils devraient être plus mûrs que cela. Ne jugeons pas trop vite. Combien de temps nous a-t-il fallu pour apprendre quelques petites leçons? Nous en savons si peu et nous y avons mis le temps avant d'apprendre ces quelques vérités. Nous ne voulons donc pas juger les autres, mais nous voulons encourager ceux qui appartiennent au Seigneur et qui sont peu fructueux. Nous avons vu le premier type de branche. Nous retrouvons, toujours dans le verset 2, le deuxième type de branche. Jésus a dit, « Et tout serment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. » Nous parlons des branches qui sont en Christ Jésus et qui portent du fruit. Cependant, Jésus-Christ n'est pas satisfait de cette petite production, alors il les émonde afin qu'elles en portent davantage. Nous trouvons donc un type de branche dans l'Église, c'est-à-dire ceux qui sont peu fructueux par ignorance ou parce qu'ils se sont détournés des voies de Dieu. Ils sont sauvés et ils sont en Christ Jésus, mais ils sont très peu fructueux. Le deuxième type de branche comprend ceux qui portent du fruit. Ils sont dans le Seigneur, ils sont sauvés par la grâce de Dieu, ils ont une vie productive et il ne fait aucun doute qu'ils sont fructueux. Le verset 2 n'est pas trop difficile, mais maintenant passons au verset 6 et voyons le troisième type de branche. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on le ramasse, on le jette au feu et il brûle. Il y a des gens qui prennent ce verset pour justifier la doctrine de la perte du salut. Ils ne se gênent pas pour le citer comme preuve de leur position. Il est souligné dans leur Bible. Ils affirment que ceux qui enseignent la pérennité du salut ne tiennent pas compte de ce verset. Je n'ignore pas ce verset parce qu'il n'enseigne pas la perte du salut. Si vous prenez quelques versets hors contexte, vous pouvez leur faire dire ce que vous voulez. Cependant, nous ne pouvons pas interpréter la Bible de cette façon, parce que le texte n'a pas été rédigé pour être interprété de cette façon. Pour bien interpréter le Nouveau Testament, il faut connaître l'Ancien Testament. Pour bien comprendre les Épîtres, je dois connaître les Évangiles. La Bible forme un livre uni. La Bible a un seul auteur, Dieu. Les auteurs humains ont été inspirés par Dieu. Il ne faut pas s'étonner que la Bible soit unie, bien qu'elle ait été rédigée sur une période de 2000 ans. Ce verset ne parle pas de la perte du salut. Déjà, dans l'Évangile selon Jean, Jésus a fait plusieurs déclarations qui appuient la pérennité du salut, le fait que le salut ne se perd pas. « Je connais mes brebis, et elles me connaissent. » Jean chapitre 10, verset 14. « Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. » Toujours selon l'Évangile de Jean chapitre 10, verset 28. Notez que Jésus ne mentionne ni exception ni condition. Il ne parle pas de la perte du salut dans l'image de la vigne et des sarments. Verset 6. Toujours de l'Évangile de Jean, chapitre 15. « Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on le ramasse, on le jette au feu et il brûle. » Que dit Jésus exactement? Au verset 2, il a parlé des sarments attachés au cep, mais qui ne portent pas de fruits. Il retranche ces sarments. Par contre, il émonde les sarments qui portent du fruit, afin qu'ils en portent encore davantage. Au verset 4, Jésus dit, « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. » Au verset 5, il dit, « Celui qui demeure en moi, et en qui je demeure. » Au verset 6, il parle de ceux qui ne demeure pas en lui. Si quelqu'un ne demeure pas en moi. Le premier type de branche est celle qui demeure en Christ Jésus, mais qui ne porte pas de fruits. Le deuxième type de branche est celle qui demeure en Christ et qui porte beaucoup de fruits. Le troisième type de branche est celle qui ne demeure pas en Christ Jésus, qui n'est pas attachée au cep. N'oublions pas qu'il faut être greffé au corps de Christ. Adam et le premier homme, tous les êtres humains descendent de lui. En tombant, il est devenu une source empoisonnée. Depuis sa chute, tous les êtres humains viennent au monde empoisonnés par une nature pécheresse. Cette nature est Dieu, et elle est en rébellion contre lui. Nous devons être retranchés de la descendance d'Adam pour être greffés au corps de Jésus-Christ. La personne qui ne demeure pas en Jésus-Christ, n'a jamais été greffé à lui. La personne qui ne demeure pas en Jésus-Christ est un membre d'Église qui n'est pas sauvé. Par exemple, une personne peut faire une profession de foi et se joindre à une Église. Elle se fera baptiser. Elle aura toutes les apparences d'un chrétien. Elle adoptera le langage évangélique. Cette branche semble être hantée au cep, mais en fait, le greffon n'a jamais pris sur le tronc. Il n'y a aucune relation personnelle entre le cep et le sarment. C'est donc une branche morte qui est attachée au tronc. Les églises sont remplies de personnes qui paraissent bien, qui sont assidues le dimanche, qui utilisent un langage spirituel, qui croient en Dieu, qui semblent être greffées au tronc, alors qu'en réalité, la greffe n'a jamais marché. Aucune sève ne circule du tronc à la branche. Ces gens n'ont pas l'Esprit de Dieu. L'Esprit n'habite pas en eux. Ils paraissent bien, ils se comportent bien. Cependant, une des raisons pour lesquelles il y a tant de divisions et de querelles dans les églises, c'est que trop de personnes non sauvées s'impliquent dans les activités de l'Église. Elles le font par gain personnel ou pour leur propre gloire. La personne peut être un banquier ou avoir une profession intéressante. Le conseil de l'Église désire qu'elle s'implique dans l'Église et refuse qu'elle quitte l'Assemblée. Seulement, la profession d'une personne n'est pas un critère pour servir dans l'Église. Il est préférable d'avoir une personne humble qui connaît le Seigneur Jésus plutôt qu'une personne professionnelle qui paraît bien sous tout rapport, mais qui n'est pas greffée au CEP. Les versets 2 et 6 décrivent trois types de branches. Premièrement, il y a celles qui sont en Christ Jésus et qui ne portent pas de fruits. Deuxièmement, il y a celles qui demeurent dans le Seigneur Jésus et qui portent du fruit en abondance. Troisièmement, il y a celles qui n'appartiennent pas au Seigneur Jésus, bien que les apparences démontrent le contraire. Jésus a déclaré qu'un jour, ces personnes seront jetées dehors, ramassées et brûlées. Jésus ne précise pas qui les jettera, qui les ramassera et qui les brûlera. Il ne fait que souligner qu'il y a trois types de branches. Il est possible d'être membre d'une église tout en n'étant pas sauvé. Il est possible d'être baptisé, d'assister à l'école du dimanche, de lire la Bible, de prier et de participer à des activités de l'église, mais tant que vous n'avez pas été incorporé au corps de Christ par l'Esprit de Dieu, par un acte de foi, vous êtes un greffon en théotron, mais qui n'a pas pris. Tant que vous ne serez pas attaché au CEP, et que la sève de la vigne ne coulera pas en vous, tant que le Seigneur Jésus ne vivra pas dans votre cœur, vous resterez un serment du troisième type. C'est le cas de milliers de personnes. Elles semblent être chrétiennes, mais elles ne le sont pas. Ces personnes se demandent pourquoi les choses ne vont pas si bien dans leur vie. Il faut davantage qu'être membre de l'Église, y être actif et servir. Il faut être greffé à la vigne. Il faut faire partie de la vigne. De plus, le Seigneur Jésus a affirmé que rien ne fonctionnerait, que nous n'accomplirions rien qui aurait une valeur éternelle à moins de demeurer en lui. Tant que nous ne sommes pas greffés à la vigne, nous ne valons rien. Considérez comment cela est merveilleux. Dieu peut prendre un garçon ou une fille de 5 ans et les greffer au tronc. Mes deux enfants étaient sauvés à cet âge-là, mais dans mon cas, cela s'est passé quand j'avais 12 ans. Je ne sais pas à quel âge vous avez été sauvés. Étiez-vous très jeune ou aviez-vous un âge avancé? Peu importe, sachez que tous ceux qui ont été sauvés par la grâce de Dieu sont comme une branche greffée, et la greffe est réussie. Si vous avez reçu le Seigneur Jésus comme sauveur personnel, Christ vit maintenant en vous, et vous êtes devenu un enfant de Dieu. Il y a trois types de branches, infructueuses, fructueuses et mortes. Revenons au verset 2. Nous pourrions croire que le Seigneur Jésus, ou le vigneron, qui est Dieu le Père, ne se préoccuperait pas trop de la branche fructueuse, puisqu'elle va bien et produit du fruit. Cependant, ce n'est pas ce que le verset 2 affirme. « Tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout serment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. » Dieu encourage les branches qui ne portent pas de fruits, et il émonde celles qui en portent, afin qu'elles en portent davantage. Réfléchissons à ce point. Que signifie « émonder » ? Le mot grec « kataros », traduit par « pur » au verset 3, a la même racine que le mot grec « katero », traduit par « émonde » au verset 2. « Émonder », c'est nettoyer une grosse branche des petites branches inutiles qui consomment les substances nutritives de la sève. Cela laisse plus de nourriture pour les fruits, ce qui permet une récolte plus abondante. C'est pourquoi Dieu émonde les branches qui portent du fruit. Si cela est vrai, cela signifie que le vigneron a quelque chose de merveilleux en vue pour les branches fructueuses. Supposons que vous soyez un croyant qui porte beaucoup de fruits et que vous vous demandez pourquoi Dieu permet que vous ayez des épreuves. Notez ceci. On émonde les branches qui ont un potentiel pour porter encore plus de fruits. Après que j'ai compris cette vérité, je me suis écrié « Alléluia, Seigneur !» J'ai presque cessé de me plaindre. Je dis presque parce que je ne peux pas dire que je ne me plains jamais. Cependant, je comprends pourquoi Dieu permet que je doive faire face à l'adversité et à des difficultés même si je lui obéis du mieux que je peux. Autrefois, je disais, « Seigneur, pourquoi permets-tu que ces malheurs me frappent ?» Depuis que je me suis rendu compte que j'ai le potentiel de porter du fruit, plus de fruits, beaucoup de fruits et du fruit de meilleure qualité, je ne considère plus la serpette, un couteau pour émonder, comme un ennemi contre lequel me protéger. Je le vois au contraire comme un instrument pour faire glorifier Dieu davantage. Aujourd'hui, Charles Stanley nous a parlé de la méthode divine d'émondage. Il ne faut jamais oublier que Dieu émonde seulement ceux qui ont le potentiel de mûrir spirituellement et de produire des fruits succulents. Lorsque nous traversons des tempêtes et que nous subissons des épreuves, rappelons-nous que Dieu ne nous a pas oubliés. Même si nous pensons que le Dieu créateur de l'univers nous a abandonnés, il est toujours avec nous. Dans le psaume 136, versets 6 à 8, nous lisons « L'Éternel est élevé. Il voit les humbles et il reconnaît de loin les orgueilleux. Quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie. Tu étends ta main sur la colère de mes ennemis et ta droite me sauve. L'Éternel agira en ma faveur. Éternel, ta bonté dure à toujours. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. » À la prochaine émission, nous poursuivrons cette étude sur l'émondage spirituel que Dieu accomplit en nous. Aujourd'hui, nous avons vu qu'il existe trois types de branches, le chrétien infructueux, le chrétien fructueux et la branche morte. À la prochaine émission, nous étudierons de quelle façon Dieu nous émonde. Le ministère de Charles Stanley publie un mensuel appelé « En contact ». Dans cette publication, vous dévorerez des articles sur des sujets pratiques concernant la vie chrétienne. Vous lirez par exemple des articles traitant de la rancune, dans lesquels vous apprendrez comment ne pas vous la laisser vous détruire, ou vous trouverez des articles qui vous indiqueront comment vaincre la tentation. De plus, chaque édition contient une méditation quotidienne ou même des témoignages de foi de chrétiens qui expliquent comment ils se sont convertis ou combien Dieu les a bénis. Si vous désirez recevoir ce magazine, n'hésitez pas à nous contacter et nous vous donnerons toutes les informations nécessaires pour savoir comment l'obtenir. Vous aimez les enseignements du Dr. Stanley, mais vous n'écrivez pas assez vite pour tout noter? Aujourd'hui, l'Espoir vous offre la revue En contact qui reprend ces enseignements. De plus, cette revue comprend une pensée enrichissante qui vous permettra de commencer la journée sur le bon pied. Téléphonez-nous au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647 ou sur notre site Internet www.espoir.ca. Touchant le monde avec notre passion pour Dieu et notre compassion pour les gens, l'enseignement de Charles Stanley est une présentation de Ministère en contact et une production de Radio Espoir.